Chapitre 8e. Angèle se sauva dans sa chambre avec son bouquet et peu après sa mère vint l'y rejoindre toute déconfite. « Patientez, » grommelait-elle. « Monsieur la Genevraie en parle bien à son aise. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Ton père a perdu sa place. Nous écournons notre capitale. Et il ne nous restera plus bientôt que les yeux pour pleurer. » « Ah, » dit Angèle en trempant le bouquet dans l'eau fraîche d'un grand vase, « si papa n'était pas buté contre le théâtre. Hein ?» s'écria Madame Sénéchal en saisissant vivement le bras de sa fille. « Tu penses donc, toi aussi ? Ah, dame, avec ton talent, tu y ramasserais de grosses sommes. Et puis toutes ces grandes comédiennes finissent par faire de beaux mariages. Et toi, tu es assez belle pour gagner le cœur d'un fils de roi. » La bonne dame n'était jamais en peine de dada. Elle n'avait pas plutôt mis le pied à terre que vite elle sautait à califourchon sur une chimère toute fraîche et reprenait le galop. Immédiatement, son imagination lui montra Angèle au théâtre. La salle croulait sous les bravos. On dételait la voiture de sa fille pour la ramener en triomphe. Un prince russe lui offrait sa main. La jeune fille l'interrompit au beau milieu de sa chevauchée aérienne et la ramena dans le chemin de la réalité. « Pour cela, il faudrait aller à Paris, » soupira-t-elle, « et mon père n'y consentira jamais. » « Ton père, » murmura Madame Sénéchal, « ton père n'a jamais su se décider. Avec lui, il faut brusquer les choses. Tu partiras sans rien dire. Le tromper ?» s'écria Angèle, effrayée. « Non, ce serait mal. » Mais pour la bonne dame, rien n'était mal quand il s'agissait de sa fille. Elle s'était fait sur ce point une morale particulière, qui n'avait rien à démêler avec la morale des autres, ni même avec le sens commun. « Mal ? » reprit-elle impétueusement. « Et où serait le mal ? As-tu, oui ou non, un grand talent, et sommes-nous coupables d'en tirer parti ? Ton père sera bien à plaindre, ma foi, quand tu gagneras des 1000 francs en quelques heures et qu'il trouvera chaque soir à la maison un bon souper qui mijotera en l'attendant. Si tu entres au théâtre, n'est-ce pas dans son intérêt, comme dans le tien ? D'ailleurs, je prends tout sur moi. Tu partiras en catimini dans une huitaine et tu descendras chez une de mes amies, dont le mari tient un hôtel rue Jacob. Ce sont des gens du pays. Ils ont soin de toi jusqu'à ce que M. la Genevraie t'ait présenté à un directeur. Mais, objecta Angèle, plus qu'à demi séduite, tout cela coûtera cher, et nous n'avons déjà pas trop d'argent. Eh bien, et la tirelire, répliqua Mme Sénéchal, elle doit être bien garnie, et c'est le cas de nous en servir. Angèle ne fit plus d'objection. La tentation était trop forte. D'ailleurs, le parti qu'elle allait prendre pouvait tirer toute la famille d'embarras, et cette pensée leva ses derniers scrupules. Il fut convenu qu'on préparait en secret son trousseau. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle n'emportera avec elle qu'une valise, et sa mère lui enverrait le surplus à l'hôtel de la rue Jacob. Quand elle fut seule dans sa chambre, Angèle donna un tour de clé à la porte, puis, d'une main tremblante, elle ouvrit le tiroir de la commode où la tirelire dormait cachée sous une pile de linge. C'était un de ces tonneaux en terre, rustiquement coloriés, comme on a donné aux enfants. Sur l'un des flancs rebondit, une rainure avait été ménagée pour le passage de l'argent. Angèle soupesa pendant quelques minutes la tirelire avec une joie curieuse, puis d'un coup sec, elle la brisa, et tout le trésor s'éparpilla sur le carreau. Un rayon de soleil tombant de la fenêtre fit scintiller comme des écailles d'or et d'argent toutes ces monnaies éparses, dont les effigies, les modules divers résumaient pour la jeune fille 9 années d'une vie tranquille et naïvement heureuse. Elle reconnaissait certaines pièces au passage. Ce gros sou taché de vert de gris représentait la première de ses économies, un gâteau sacrifié au désir de voir Paris. Ce louis d'un jaune pâle lui avait été donné le jour de sa première communion, et pendant bien des heures, elle l'avait tourné et retourné entre ses doigts avant de le glisser dans la tirelire. Cet autre datait d'un soir d'automne où son père avait vendu sur pied toute sa vendange à des marchands de vin de champagne et avait stipulé 20 francs d'épingle pour Angèle. Il faisait beau temps ce soir-là, et on dansait des rondes au carrefour de la côte de l'horloge. Chaque pièce faisait teinter un souvenir, chaque empreinte rappelait un détail intime d'enfance ou de jeunesse. Toutes, avec leurs petites voix d'or et d'argent, semblaient crier à Angèle agenouillée « Garde-nous, ne nous éparpille pas à travers le monde. Nous sommes les souvenirs des heures limpides, des heures calmes et fortunées. » Mais le bouquet de la Genevraie avec ses odeurs mondaines, le vent de mer avec ses bouffées printanières répétait « Paris ». Paris, et ses voix insinuantes étouffèrent le murmure timide des petites pièces de la tirelire. Angèle les tria, les aligna en piles frémissantes et compta son épargne. Il y avait près de 800 francs. Cela lui sembla un trésor dont elle ne verrait jamais la fin. À partir de ce moment, elle ne songea plus qu'à son prochain départ. Elle était agitée, nerveuse. Elle avait avec son père de soudaines explosions de tendresse dont le bonhomme lui-même était étonné. Un soir, qu'elle se retirait après l'avoir embrassée fiévreusement, Joseph crut remarquer que ses yeux étaient humides. « Mademoiselle Angèle paraît préoccupée, » dit-il à Sénéchal dès qu'ils furent seuls. « Vous croyez ?» répondit celui-ci. « Effet du printemps, mon camarade, effet du printemps !» Il souriait d'un air malicieux et interrogeait du regard Joseph Toussaint. Il avait résolu ce soir-là de confesser le jeune clerc et de lui faire avouer son amour. « Et vous-même, » reprit-il, « vous paraissez tout troublé. Et vous soupirez. Voyons, confiez-vous au père Sénéchal et contez-moi ce qui se passe là-dedans. » En même temps, il tapait amicalement sur la poitrine de Joseph qui se mit à rougir. « Ce qui se passe en moi ?» répondit le jeune homme. « Je cherche à le démêler et je n'y parviens guère. Je souffre de vivre inutilement et de promener mon ennui par les chemins. Je suis las de n'avoir point de but. Il est des heures où je regrette le séminaire. « Ta, ta, ta !» dit M. Sénéchal. « Il faut vous marier. Le mariage, certainement. Mais voyez-vous, M. Sénéchal, je ne suis pas homme à prendre une femme comme on cueille en passant un fruit à un arbre. Je voudrais choisir, et qui me garantit que la femme de mon choix s'accommoderait d'un garçon aussi peu brillant que moi ?»« Elle aurait le goût terriblement difficile, » répliqua le bonhomme. « Mais d'abord, êtes-vous bien fixé ? Existe-t-elle quelque part, cette femme de votre choix ?»« Eh bien oui, elle existe, » s'écria Joseph après un grand effort sur lui-même. « Mais je n'oserai jamais lui demander si elle veut de moi. C'est donc une princesse. Sarpège, il ne faut pas être poule mouillée à ce point. Faute de parler, on meurt sans confession. Je mourrai donc sans confession. J'aime encore mieux cela que de mourir de honte, car je sens que si elle répondait en me riant au nez, je serais mortellement blessé. Vous rire au nez ?» s'exclama Sénéchal indigné. « Prenez-vous, Angèle, pour une pimbèche mal élevée ?»« Et quoi ?» murmura Joseph, devenant cramoisi. « Vous saviez ? Vous aviez deviné ? Ah, monsieur Sénéchal, je vous jure que je n'ai jamais dit un mot. Eh, mon camarade, je le sais bien. C'est justement ce que je vous reproche. Les jeunes filles ne détestent pas les gens qui parlent, et si j'étais vous, moi, je parlerais. Et vous m'autorisez ? Vous croyez ? Bredouilla Joseph tout tremblant. Je crois que vous êtes un brave garçon, et que ma fille n'est pas une sotte. Il faut parler. Tenez, demain, ma femme soupe chez ma belle-sœur. Nous serons seuls ici. Je vous laisserai en tête à tête avec Angèle, et vous lui avouerez franchement ce qui vous tient au cœur. Demain ? S'écria Toussaint, qui se sentit d'avance la chair de poule. Ah, monsieur Sénéchal, je suis bien content, mais ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage d'attendre ? Si elle allait dire non, songez. Elle dira oui, poltron, on ne trompe pas un vieux malin comme le père Sénéchal, et ne voyez-vous pas le trouble où elle est depuis une huitaine ? Ah, jeunesse, jeunesse ! Bonsoir, mon brave, et à demain. Le lendemain soir, au sortir de l'étude, Joseph passa 2 heures à marcher sous les arbres de la promenade des Saules. Tout en arpentant l'allée, il essayait de préparer le discours qu'il tiendrait à Angèle quand il serait seul, face à face. Mais les mots tournaient dans sa tête comme une roue de moulin, et puis les phrases qu'il trouvait lui semblaient idiotes, et jetant le manche après la cognée, il disait qu'il valait mieux encore parler d'inspiration. Il s'arrêtait au pied d'un platane, regardant d'un air très attentif les glissades des araignées d'eau sur la surface limpide du canal. Le cœur lui battait, le temps lui durait, et cependant il redoutait le moment où les églises sonneraient l'heure du souper. Quand il rentra à la Brune, M. Sénéchal se promenait seul dans la salle à manger. « Comme vous voilà pâle, » dit-il à Toussaint. « Allons, du cœur, mon camarade, du cœur, nom d'une serve. Angèle n'est pas encore entrée, mais elle ne peut tarder. Voilà 8 heures. Elle est sortie ce tantôt après m'avoir embrassé à m'étouffer. Je vous assure qu'elle a quelque chose, elle aussi, et qu'elle pense à vous. » Qui diantre peut la retenir si tard dehors ? Il allait et venait en sifflotant. Joseph ne disait mot et, accoudé contre le poêle, regardait vaguement dans la baie de la fenêtre le coin de ciel où les premières étoiles perçaient, comme des points d'or, l'azur devenu plus foncé. L'obscurité envahissait peu à peu la salle. Le vent d'est apportait des cris d'enfants et la rumeur d'un train en marche. « Le vent est au beau, » reprit M. Sénéchal, qui occupait son impatience en allumant la lampe. « On entend le sifflet du chemin de fer. » « Ah ça, Angèle se moque de nous, elle veut nous affamer. »« Oh, moi je n'ai pas faim, » répliqua Joseph, qui trouvait je ne sais quelle volupté sourde aux angoisses de l'attente. « Si fait, moi, » murmura le bonhomme, « j'ai l'estomac creux, mais j'entends marcher dans le corridor. Enfin, la voici. » La porte s'ouvrit en effet, mais ne livra pas sage qu'à Madame Sénéchal, encore tout essoufflée et fort émue. « Et Angèle ?» s'écria M. Sénéchal, désappointé. « Angèle ne reviendra pas ce soir. » repartit la dame d'une voix mal assurée, qui contrastait avec son aplomb habituel. « Elle est absente pour quelques jours. »« Absente ?» répéta Sénéchal, stupéfait. « Comment, elle est partie ?»« Oui, au surplus, voici une lettre d'elle qui t'expliquera tout. » Joseph ouvrit de grands yeux. M. Sénéchal arracha des mains de sa femme un billet écrit à la hâte, où il lut ces mots. « Petit père, pardonne-moi. Je pars pour Paris. Je suis trop grande maintenant pour être encore à ta charge. Je vais essayer de gagner ma vie au théâtre. C'est pour notre bien à tous, et l'on prétend que c'est ma vocation. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je reviendrai, et nous vivrons plus heureux tous les trois. En attendant, je te supplie de ne pas trop en vouloir à ta fillette, qui t'embrasse avec des larmes. « Ah, la malheureuse !» dit M. Sénéchal d'une voix rauque. Il voulut faire quelques pas, trébucha, et s'affaissa comme une masse au pied du poêle. « Mère de Dieu !» s'écria Mme Sénéchal, épouvantée, et se précipitant vers son mari. « C'est un coup de sang. Vite, M. Joseph, allez chercher le médecin !»